Ok, on va commencer par baliser le terrain. Est-ce que vous pourriez me dire combien de personnes différentes sont passées à la soirée avant le meurtre?